On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barré. Il y a un gros combat de boxe en fin de semaine. En fait, c'est le premier combat de Canelo Alvarez sur DAZN. On va parler également de ce qui s'est passé avec il y a David Lemieux également qui va être en sous-carte. Yves Ulysse aussi. On va parler de l'entrevue que j'ai faite avec Marie-Ève Diquet la semaine passée. On parle avec notre ami Bernard Barré. Salut Bernard. Salut. Bernard, avant de commencer à parler du combat en fin de semaine, oui, j'ai fait une entrevue avec Marie-Ève Diquet la semaine passée. M'a dit une affaire, c'est pas la première fois que j'y faisais une entrevue, c'est pas la première fois que je l'écoutais, puis c'est pas la première fois que je l'avais en entrevue. Mais moi, t'as dit que vous avez quelque chose entre les mains pour faire une grande vedette. Elle est belle, elle s'exprime bien, elle a du charisme, puis... Elle est sérieuse et puis effectivement, elle donne une belle image à la boxe féminine. C'est une fille qui est tout le temps de bonne humeur, puis elle met énormément, énormément de temps dans son entraînement. Donc, on n'a pas été surpris contre Chris Nemus. On savait que ça pourrait être difficile, ça plus difficile adversaire en carrière. On l'a bien vu, Nemus a du talent, mais la préparation que Stéphane Arnois, son entraîneur et elle ont fait, ça a fait toute la différence. Et elle l'a dominé là, de façon claire, là, était brillante jusqu'à la fin. Donc, Nemus est un petit peu étourdi du fait que, un, du clair est gauchère et deux, ben, du clair n'a pas accepté de se battre coup pour coup. Elle a juste été plus subtile qu'elle et elle s'est donné des angles et finalement, sa main arrière cognait souvent la porte. OK. Ce qu'on dit, tu me corriges si je me trompe, c'est que j'ai posé la question, puis elle veut vraiment là, aller en combat, parce que c'est le même principe que la boxe masculine. Tu peux, t'as trois possibilités avec un combat optionnel avant d'arriver avec le combat obligatoire, mais elle, ce qu'elle veut, là, c'est tout de suite l'adversaire en partant, puis après ça, sinon, ça va être une combat unification, là. Est-ce que c'est vraiment les seuls, c'est ça qu'elle me dit dans ses Allez. plans, tu vois? Elle a beaucoup d'ambition, effectivement. C'est certain que les gens auraient de l'intérêt, sans aucun doute, pour un combat revanche. Et Nemus, là, c'est certain qu'elle va en demander un. Combat revanche, elle doit être déjà fait. Il faudrait parler à Yvon Michel. Mais Ducaire, elle parle d'unification, puis elle parle de jouer peut-être même sur deux divisions de poids éventuellement. Donc, elle a beaucoup d'ambition et qui va faire en sorte que ça va intéresser les gens, là. La fille va nous tenir très, très réveillés, là, je pense, les amateurs de boxe, avec tout ce qu'elle veut faire. OK. Donc, évidemment, c'était un petit peu assombri par ce qui se passe avec Adonis. T'as pas de nouvelles en passant d'Adonis 100%? Non, pas du Non. tout. J'ai pas de nouvelles. On est en attente effectivement, on n'ose pas trop parler non plus pour pas nuire à la situation, là. On a vu Mauricio Sullivan de WBC qui est allé à son chevet. On a Yvon Michel qui est reparti hier à Québec. Sa conjointe est là depuis le combat. Elle n'a pas quitté. La famille Stevenson est là. Donc, c'est certain que les prochains jours, là, éventuellement, il va des décisions qui vont être prises pour voir, parce que là, comme le médecin l'a bien expliqué l'autre fois, le neurologue à la télévision. Ils vont essayer des choses dans les prochains jours et là, on va voir comment ça va tourner. C'est certain que cette semaine, la phrase que sa conjointe Cici a eue, elle a écrit juste un petit, Ouais. elle dit de prier pour un miracle. Ça, c'est sûr que c'est moins encourageant un peu, puis surtout qu'elle est là près de Stevenson, d'Adonis à tous les jours. Mais tu sais, c'est tellement variable, un peu comme le neurologue l'a bien, bien expliqué. D'une personne à l'autre, et lui-même, le neurologue, ne pouvait pas s'avancer compte tenu que t'as aucune chance d'arriver sur le bon diagnostic. Donc, c'est le temps là qui va décider, mais on s'attend à avoir des nouvelles dans les prochains jours. OK. Donc, en fin de semaine, c'est le premier combat de Canelo Alvarez sur DAZN, qui est la nouvelle plateforme de la boxe, possiblement. Est-ce que je me trompe en disant, Bernard, que DAZN a fait en sorte que l'arrivée de DAZN a fait que HBO s'est retiré de la boxe? Ils ont vu que c'était... Ouais. HBO, ils disent qu'ils se sont retirés de façon régulière. Il y avait de la boxe à chaque année, il y avait des planifications, mais ils n'ont pas dit qu'ils reviendraient pas à la boxe. Donc, ils OK. vont choisir, ils vont sélectionner. Effectivement, DAZN est un concurrent très dangereux pour ses pour cette élite-là. C'est tout à fait normal. Eux arrivent avec un nouveau plan d'action, là, en disant tu t'abonnes, puis tu payes 20$ ouais. par mois, puis un peu le Netflix sportif. Ouais. Puis là, après ça, t'as de multi-sports là, que tu peux, ouais, que tu peux aller rejoindre avec ça. Mais c'est multi-plateforme, si tu veux. Donc, c'est certain que ça ébranle un peu les réseaux conventionnels. Et là, on va voir là, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais effectivement, là, puis là, ils ont frappé un grand coup, donnant 365 millions à Canelo Alvarez pour ses 11 prochains combats. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et on parle, il y avait une rumeur qui circulait que ça pourrait même être Gennady Golovkin également pourrait suivre Canelo Alvarez. Est-ce que tu crois ça? Pourrait suivre en allant sur la zone aussi. Ce qu'il annonce, là, puis on sait qu'il va y avoir un troisième combat éventuellement entre Golovkin et Alvarez. Les deux premiers ont été tellement bons. Donc, effectivement, probablement que Dazone a beaucoup d'intérêt là, à mettre Golovkin sous contrat. Puis là, quand on parle de Golovkin ou Alvarez, là, tu sais, on a qu'à penser que les deux combats, là, on est loin de penser qu'Alvarez a été facile. Là. Le premier, le combat nul, a été décrié par tous les experts. Puis la victoire d'Alvarez a été très contestée encore. Donc, c'est certain que de mettre la main sur ces deux joyaux-là de la boxe professionnelle, ça serait un coup d'éclat. Là, déjà qu'ils ont Alvarez sous contrat. Donc, pour avoir, eux, une stratégie là, de planification marketing terrible, en mettant Golovkin sous contrat. OK. Donc, Rocky Fielding, je ne connais pas du tout contre Canelo Alvarez. Je lisais les commentaires des gens, puis ils disaient, c'est pas un gros adversaire pour et DAZN, justement, en parlant de DAZN, ils ont voulu protéger leur investissement en n'opposant pas puis c'est pas bête non plus, parce que dans le fond, tu peux pas envoyer un gros adversaire en partant contre Canelo Alvarez quand tu viens de payer 365 millions. Faut au moins que tu rentabilises ça un peu. Ouais, mais tu sais, Rocky Fielding, de son nom original, Michael Fielding, qui est un Anglais d'Angleterre. Donc, il a pris son nom de combattant Rocky, puis il roule avec ça. Donc, ça nous mêle un petit peu. C'est pas un méchant boxeur, mais il a pas eu une carrière terrible. Il a pas une grande carrière en boxe amateur. Pas représenté son pays nulle part. Tu sais, il était vraiment très local. Donc, déjà là, ça me donne une idée. Et puis, tu sais, il y a eu un gros test. Quand on regarde sa fiche, là, il y a 27 victoires, une défaite. Sa seule défaite a été par knockout. Et il y a eu un gros test en 2015 quand il s'est battu contre Callum Smith. Callum Smith qui, lui, est le champion, là, le super champion WBA. Et le champion ordinaire, c'est Rocky Fielding. Mais Callum Smith l'avait passé knockout au premier round, l'envoyant au tapis trois fois au premier round. C'est sûr que là, il s'est rebâti là, sa carrière par après. Là, c'était quand même en 2015. Puis il a arraché le titre à Tyron Zug, un Allemand qui avait une fiche de 22 victoires, aucune défaite, un combat. Il l'a passé knockout au cinquième round. Mais c'est sûr que Zug, c'est pas dans la ligue à Canelo Alvarez. Donc, si on garde sur papier, en temps normal, tout devrait bien se passer pour Canelo Alvarez. Puis ça lui donnerait l'occasion aussi, Alvarez, d'aller chercher un titre dans une division de poids supérieur. Donc, ça serait sa troisième, si tu veux, troisième division de poids. Et c'est ce qui vise à aller arracher la ceinture et à avoir été champion dans trois divisions de poids. Mmh. Mais quand on regarde aussi, si on revient à Fielding, j'ai beau regarder, il a battu Brian Vera qu'on avait vu battre Sébastien Demers il y a quelques années. Il l'a passé dans la carte au deuxième round. Il a battu aussi Charles Adamou en 2014 par décision unanime. Adamou avait été battu en 2005 contre Otis Grant au Centre Bell. Mais on cherche là les gros noms, là, les grosses victoires. Pour ça que Canelo Alvarez est largement favori dans ce combat-là. OK. David Lemieux, qui va être en sous-carte, évidemment, contre Terrano Johnson. Lui, David, il était quand même un peu déçu. Lui, il pensait que que le prochain combat, ça allait justement contre Canelo Alvarez. Le fait qu'il est en sous-carte, est-ce qu'on peut penser que ça c'est la prochaine. Avec la victoire de David Lemieux, que ça va être assez de bonheur ce printemps, l'affrontement Alvarez-Lemieux? On va le souhaiter. Lui, c'est sûr qu'il est sur la liste là, des éventuels opposants de Canelo Alvarez. Mais tout le monde veut se battre contre Canelo Alvarez parce que ça représente des bourses vraiment super intéressantes là, qu'on n'aura pas ailleurs. Puis c'est sûr que Lemieux et Mark Ramsey, avec la superbe victoire au mois de septembre contre Gary O'Sullivan, quand il l'a passé knockout au premier round, pensait bien que l'affaire était dans le sac et c'était les suivants, eux autres, là, pour le combat avec Alvarez. Ça n'a pas été le cas. Donc, l'important, là, c'est de pas manquer son coup. Parce que là, il est pas loin, là, mais tu sais, c'est sûr que là, il est en attente. Mais s'il pouvait battre Turiano Johnson de belle façon, quand même, Johnson, c'est un adversaire de fort calibre, un boxeur des Bahamas, qui a une fiche de 20 victoires, 2 défaites, 14 victoires par knockout, et qui a eu une très, très belle carrière chez les amateurs. C'est rare, un boxeur des Bahamas. Ce gars-là est allé aux Jeux Olympiques. Et puis, il a gagné 2 combats aux Jeux Olympiques avant de perdre. Il a participé 2 fois au championnat du monde amateur. On l'a vu, Marc Ramsey et moi, à Chicago, championnat du monde en 2007. Participé aux Jeux du Commonwealth. C'était vraiment là comme... moi, je l'avais suivi à la première qualification en 2008 pour les Jeux Olympiques. Il n'avait pas réussi à se qualifier. On était à Trinidad. Et Marc Ramsey et moi, on avait l'œil dessus depuis le championnat du monde en 2007 à Chicago. Fait qu'en 2000, après Trinidad, l'autre qualification est au Guatemala. Au Guatemala, il a bien fait. Il a gagné 3 combats, perdant en finale décision serrée contre la République dominicaine. Et ça lui avait donné sa qualification pour les Jeux olympiques. Je l'avais rencontré à ce moment-là. Moi, je lui avais remis un sac avec des éléments promotionnels. J'avais discuté un petit peu avec lui de la possibilité éventuelle d'une carrière à Montréal. Et puis j'avais fait rapport à Marc là-dessus. Marc était en contact avec lui sur les médias sociaux. Et finalement, bon, on n'avait pas poussé plus loin et il a tourné professionnel avec un autre groupe. Et là, ça fait un peu bizarre de voir que le Marc se retrouve avec le gars qui a essayé d'emmener dans son équipe, qui l'a devant lui. Ces 2 défaites, c'était 2 dures défaites. Il a perdu en 2014 à la fin de son combat, 10e round, à la fin du 10e contre Curtis Steven, le même qui s'est fait marquer par le mieux. Et puis il est en avant dans le combat. Et il a perdu en 2017 contre Sergei Deverianchenko, qui lui là vient de perdre un combat serré contre Daniel Jacobs, en combat de se positionner là, c'est la grosse classe. Et il avait perdu par knockout au 12e round. Donc il avait fait 12 rounds avec ce vedette-là de la boxe internationale. Donc on peut parler vraiment d'un gars qui a une grande carrière amateur, qui va bien chez les professionnels, qui est un bon test pour le mieux, puis qui est assez intelligent pour savoir quoi faire, pour pas se mettre la façade toujours bien partant. Donc, on peut s'attendre à un combat intéressant, et pour David, ben ça va être de lui faire mal le plus rapidement possible, parce que Johnson s'est tôt boxé, puis il peut être tannant si tu le laisses aller. Ah, effectivement. Puis il y a Yves Ulysse maintenant aussi qui va se battre lui aussi. Lui, c'est pas un gros adversaire. Écoute, quand que tu fais ça, quand tu changes de combattant, à quelque part, ou de boxeur, je suis combattant, parce que j'ai toujours le mal avec les arts martiaux mix, mais de boxeur, normalement, c'est pas mal moins, plus facile, là. Ouais, on sait qu'il est Ulysse, là. Il rêve, bien entendu, de se rebattre avec Steve Claggett en 2017, au mois d'octobre. Il avait perdu une décision partagée à Montréal, et on se rappelle, c'était une vraiment controversée, là. On a eu de la misère à comprendre un peu comment il a fait pour échapper ça. Mais depuis ce temps-là, il a bien fait en battant l'invaincu Cletus Seldon. Il l'avait passé nag. Il l'avait envoyé 3 fois au tapis, puis il avait gagné une décision unanime, sens unique. Et il avait été très impressionnant. Et à son dernier combat, mais encore là, il a gagné une décision unanime contre Ernesto España. Ça, c'était au mois de juin. Là, il était dû pour embarquer sur le ring. Effectivement, ils ont changé d'adversaire. Il va se battre contre Maximiliano Becerra. Et lui, c'est un gars de Californie, c'est un gars 16 victoires, 2 défaites, n'a jamais été arrêté. Il est sur une belle série de 8 victoires. Donc, il peut être dérangeant pour Ulysse, mais sincèrement, Ulysse a le talent pour être capable de gérer un gars comme ça. Et puis, je pense pas que ça qu'il représente un grand danger, mais quand même, faut se méfier. Parce que le gars, là, avec 8 victoires en ligne, il est très confiant. OK. Bernard, on va s'en reparler la semaine prochaine. On va commencer à enregistrer la revue de l'année qu'on fait toujours à toutes les années. Fait que je vais te rappeler la semaine prochaine pour commencer ça. C'est bien. Bonne fin d'émission. Notre ami Bernard Barré.